Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 537. Nous sommes le 12 octobre, hein, je crois. Oui, octobre 2022, j'allais dire 1922. Ça fait longtemps que je fais l'émission. 2022, c'est bien quand même. Et l'album de la semaine, c'est Time Takes Time, sorti il y a 30 ans, en 1992. Et c'est par Ringo Starr, bien entendu. On écoutera Weight of the World. Et il y aura également Don't Go Where the Roads Don't Go. On re-écoutera What Goes Around, qu'on a écouté la semaine dernière, il me semble. Mais il est trop bon pour qu'on le rate. Il y aura I Don't Believe You. Il y aura la reprise The Runaway. Il y aura In a Heartbeat, qui ressemble furieusement à du Beatles matinée de Beach Boys. Et c'est normal, il y a un membre des Beach Boys qui donne un coup de main dans les chœurs sur ce titre-là. Il y aura également du John Lennon, du genre George Harrison, du McCartney, avec pour Lennon It's So Hard sur Imagine en 71. Il y aura What Is Life, le remix 2020 pour George Harrison sur Things Must Pass Super Deluxe, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et quant à Paul McCartney, il nous chantera l'extraordinaire Dear Friends, l'appel à son copain John Lennon dès 1971 sur l'album Wildlife. Quant aux Beatles, ils nous chanteront Dig a Pony pour commencer. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Je sais qu'on est de plus en plus, puisque début avril, quand j'avais été obligé d'arrêter pour me faire faire mon opération de l'épaule, nous étions dans les 800 et nous sommes 917, si ça n'a pas changé, ou quelque chose comme ça maintenant, dans le groupe Facebook. Et vous êtes beaucoup plus encore à écouter la saga des Fab Four. C'est donc génial, je vous remercie. Je remercie également tous les restaurants qui écoutent la saga des Fab Four. Je sais qu'il en existe sans doute partout dans le monde. Il y en a même un à Talence qui s'appelle Twist & Crêpe. Je leur envoie le bonjour et j'espère que tout va bien chez eux. Si vous voulez manger de bonnes crêpes, c'est là-bas. Allez. Voici le premier titre. C'est Ringo Starr qui chante Weight of the World. Ringo Starr sur l'album Time Takes Time. Bonne soirée à vous tous et toutes. Je vous conseillerais bien plusieurs albums de Ringo Starr après la séparation, forcément, pour vous donner l'occasion d'avoir un bon album de Ringo. Celui-ci en fait partie, l'album Time Takes Time. Il y en a d'autres qui sont bons aussi, mais celui-là, au dire de beaucoup, est certainement l'un de ses meilleurs. 1971, c'est tellement dur. C'est John Lennon qui chante It's So Hard sur RIG. J'aime bien la réflexion de Yann sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Je vais le remettre à l'endroit. Il a marqué le meilleur de Ringo, puis le meilleur de John, puis le meilleur de George. C'est un best-of des meilleurs. Oui, et je ne l'ai pas fait exprès. C'est venu comme ça lors de la programmation. Et d'ailleurs, voici une très très belle chanson. La première de Paul McCartney qui tend la main à son pote John Lennon. Dear Friend sur Wildlife, sur RG aussi. Dear Friend, what's the time? Is this really the borderline? Does it really mean so much to you? Are you afraid? Or is it true?

hands getting too cold. Voilà, sur la version de Lutz, on en a un petit peu plus que sur la version qu'on avait l'habitude d'entendre. Cette version est sortie et ressortie en 2020 pour les 50 ans, 2021 même. Pour les 50 ans et un petit peu plus, on va dire c'est la Covid qui nous a peut-être empêché de l'avoir en 2020. Je vous propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Time Takes Time, le très bon album de Ringo Starr en 1992. Et nous allons entendre Don't Go Where the Road Don't Go. Et ensuite, il y aura un petit truc. Je ferai ça de temps en temps. Vous savez que les Beatles se sont amusés, et même McCartney après, à sortir des 45 tours qui ne figuraient pas sur les albums. Eh bien, je vous ai retrouvé des 45 tours dont on passera la face B et la face A juste après, ou le contraire, la face A et la face B. On en parle après, ok? Don't go where the road don't go, sur RIG. C'est notre batteur préféré, Ringo Starr, sur RIG dans la saga des Fab Four. Je vous propose donc de faire une face B et une face A. D'abord, Yes It Is, sorti donc en single en 1965, et la face A était Ticket to Ride. On les écoute à l'envers, face B d'abord, face A ensuite. If you are right tonight. True, yes it is. Call it where the clothes he wore. Sur RIG. Je vais vous reparler de Yann sur Facebook parce que c'est le seul à s'être rendu compte que la version de Yes It Is était un petit peu bancale. Oui, parce que je ne vous ai pas passé la phase B réelle du 45 tours Ticket to Ride et Yes It Is. Je vous ai passé la version de l'anthologie des Beatles. Donc, John Lennon commençait et après les Beatles se sont mis dans les rangs alors que dans la version du 45 tours, ils y sont dès le début. C'est une envie de vous passer un petit truc différent comme ça pour rigoler. Et puis, au sujet de Ticket to Ride, je voulais vous dire aussi que, en ayant suivi sur YouTube des batteurs qui parlent de Ringo Starr, Ils disent tous que c'est un exemple, c'est souvent lui qui leur a donné envie d'être batteur, et que c'est un exemple pour eux quand même, parce que sur cette chanson par exemple, Ticket to Ride, il y avait d'autres façons de jouer la batterie sur ce morceau-là, des façons peut-être plus simples ou en tout cas différentes. Mais cette façon-là de battre, c'est Ringo qui l'a trouvé, et ça colle parfaitement à la chanson, donc c'est parfait, et c'était ça le point fort de Ringo. Il arrivait à trouver un riff de batterie qui collait parfaitement à la chanson. C'est John Lennon, j'en connais un qui va aller boire un café. Voici Bless You en 1974 sur l'album Walls and Bridges. Et sur RIG, forcément. RIG, c'est 90.7 et c'est la radio des Beatles, le mercredi, entre 20h et 22h. Thank you. savez qu'à Érigé, on se débrouille toujours pour recevoir les morceaux un peu avant les autres. Donc il va sortir un coffret super extra de luxe, non super de luxe c'est déjà pas mal, de l'album Revolver, et ça va sortir dans pas très très très longtemps. Je vous propose déjà un deuxième titre, le premier titre je crois que c'était Taxman qu'on avait entendu. Voici Tomorrow Never Knows, version 1, prise numéro 1 sur RG. Bien, alors je suis parfaitement d'accord avec ce que vient d'écrire Pascal sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Il a écrit « Tomorrow Never Knows », est-ce que ce n'est pas cette version que l'on entend sur les anthologies? Je crois que oui, en tout cas ça y ressemble fortement. Il faudrait les passer côte à côte l'une et l'autre pour voir. À mon avis, le mixage est peut-être légèrement différent. Vous avez entendu sur la fin un petit bout qui ne sert à rien, mais un petit bout en plus. Donc c'est peut-être ça qui est différent. Il faudrait les écouter côte à côte, on verra. Tiens, mais puisqu'on a déjà écouté quelque chose, vous savez, là, on dit c'est comme s'il faudrait les écouter côte à côte. Cette chanson, vous l'avez entendue la semaine dernière. Mais je l'aime trop pour ne pas avoir envie de vous la faire écouter dans cette spéciale Ringo Starr Time Takes Time. Voici What Goes Around. Si c'était sorti en 69 au niveau d'Abbey Road, par exemple, ça aurait pas été moins bien. Ringo Starr à l'honneur sur RIG 90.7, la radio des Beatles. made me think she was mine, all mine, till I looked in her eyes and I read that girl between her lies. Well, something happened on the way. But every heartache has its day, and every cheated heart pays a price. Take my hand, let me lead your heart to the promised land. But the girl had a plan, and she left me there for another man. Well, everybody plays the fool now and then, but no exceptions to the rule, that it all evens out in the end.

Ce morceau dure en effet pas loin de plus de 20 minutes. Il a été raccourci par George Martin, qui estimait que un morceau, je sais pas, de 7 minutes, j'ai pas regardé le timing, ça suffisait. Et la personne qui dit I got blisters on my fingers, c'est-à-dire j'ai des ampoules aux doigts, c'est Ringo Starr qui dit ça, parce que battre comme ça, c'était pas mal. Helter Skelter, à l'instant surérigé, trouve son origine dans une critique dithyrambique du nouveau 45 tours des Who que Paul lut dans un article dans un magazine musical. Paul n'avait pas encore entendu cette chanson, mais cette chronique lui donna envie de créer quelque chose qui provoquerait un article aussi enthousiaste. Cela dit, il est impossible d'être certain qu'il s'agisse bien de la chronique qu'il avait lue, parce que la description que Paul en fait a changé au fil des ans. En 1968, il a déclaré qu'elle disait « Le groupe se déchaîne avec de l'écho, des hurlements, tout ce qu'ils peuvent ». 20 ans plus tard, son souvenir s'était enjolivé. Il expliqua que cette chronique décrivait ce disque des Who comme le rock le plus bruyant et le plus sauvage qui soit, le morceau le plus vicieux qu'ils aient jamais fait. En revanche, sa description sur l'effet qu'eut sur lui cette critique n'a pas changé. Je me suis dit, quel dommage, j'aimerais bien avoir fait quelque chose comme ça. Et j'ai entendu le 45 tours, ce n'était pas du tout ça, c'était un morceau tout à fait structuré et sophistiqué. Alors nous avons fait Helter Skelter, j'adore le bruit, conclut Paul McCartney. C'est un bon morceau, c'est sûrement peut-être l'ancêtre du hard rock quand même, l'air de rien. Voilà, et on revient tranquillement à plus cool, mais bien quand même aussi, très bien. L'album Time Takes Time, qui est l'album de la semaine de la saga des Fab Four, numéro 537. Voici I Don't Believe You, je ne te crois pas, Ringo Starr sur RG. One more chance, and all I want from you is true. I don't believe you. I've been lied to. Forget about your credit cards, all your fancy clothes. Forget about my rings and things, and the bottom for your nose. It wouldn't take that much from you. You won't see my face no more if you don't stop telling lies. I don't believe you. I've been lied to. I don't believe you. I've been lied to. I love you, girl, that much is true. The truth is staring back at you, but you always break. Oh, I know you think what's wrong is right. You seem so happy when we fight, so I won't be coming home tonight. No lie, no lie. Then all that there is to say, you better make up your mind. Look into these lonely eyes, truth is what you'll find. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But the next time that you do me wrong, I'll be kissing you goodbye. I don't believe you. I've been lying. Sympa, n'est-ce pas? Nous voici arrivés, et on n'est pas en avance, nous voici arrivés à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou une fois les carrières séparées, et même si eux-mêmes reprenaient une chanson d'un de leurs pères, genre Chuck Berry ou qui vous voulez. Et même d'ailleurs d'autres personnes, puisque George Harrison, par exemple, a fait plusieurs covers dans sa vie post-Beatles, et à chaque fois, avec une grande réussite. Là, c'est un groupe que j'ai vu il n'y a pas très longtemps à Bordeaux. Il s'appelle les Analogues. j'avais envie de vous proposer Here Comes the Sun, version Analogues en live, s'il vous plaît. Extrait du nouveau live apparaître. Je vous ai dit qu'à Érigé, pour la saga des Fab Four, on n'avait peur de rien. On essayait d'être en avance pour vous, pour que vous ayez en exclusivité les nouveaux titres des nouveaux albums. L'album s'appellera Ringo Starr and his All-Star Band Live at the Great Theater en 2019, mais il sort en 2022. Eh bien, ça vaut le coup d'écouter quand même parce que c'est très très bon. Je vous assure que j'ai vu une seule fois Ringo Starr en concert à Paris. Et lorsque je l'ai vu, j'avais un a priori avant. Je me disais, j'aime bien voir McCartney, j'aurais voulu voir George Harrison. Bon, John Lennon est parti trop tôt pour que je puisse le voir. Et je me disais, je viens pour voir ma vedette. Or, Ringo Starr, il aime bien être entouré de potes. Donc je me disais, c'est bien, attention, des membres de Toto, il avait eu Roger Hodgson de Supertramp. Ça vaut vraiment, vraiment le coup d'oreille. Mais je me disais, je viens pour voir Ringo Starr. Eh bien, j'avais tort. Lorsque je l'ai vu à l'Olympia, j'ai passé une super bonne soirée en écoutant du rock'n'roll comme je l'aime, de la très bonne chanson, avec du Ringo Starr dedans, bien entendu. Mais c'était très, très sympa. Donc, continue comme ça, Ringo, puis 82 ans, il a une forme éblouissante, ce gars-là. Je vous propose de revenir en 1976 et même en 1970. C'est en 1970 qu'il a créé la chanson. Il va la laisser reposer, on va écouter la démo dans quelques instants. Et puis on écoutera à la suite la version finale parue sur l'album 33 and One Third. C'est George Harrison avec la chanson Beautiful Girl. La démo, la version finale 6 ans plus tard. Seen such a beautiful girl, got me shaking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handing around, wanna keep her right there, but this loving may come as no surprise. A beautiful girl, got me shaking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handing around, wanna keep her right there, but this loving may come as no surprise. A beautiful girl kicking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handing around, wanna keep her right there, and this this loving becomes no surprise. Commencer à se dépêcher, quelle belle chanson. On va commencer à se dépêcher parce que j'allais dire Ringo Starr. Ringo Starr attend, c'est vrai, mais Eric sera là tout à l'heure pour son émission Johnny de A à Z. Et comme d'habitude, ça va être absolument génial. Voici Ringo Starr et Runaway sur RIG. Ensuite, il y aura à nouveau George Harrison dans l'une de ses plus belles chansons, Love Comes to Everyone. RIG, la radio, les Beatles.

changing. Always a part of something that's never aging. That's in your heart. It's so true, it can happen to you on there. Not getting je la retire. It only takes time till love comes to everyone. Ça prend seulement du temps pour que l'amour arrive à tout le monde. Et ben j'attends. Ok, vous êtes où? Quand je dis vous, c'est que je vous vois la personne, je la connais pas, hein. Je n'ai pas besoin de plusieurs, une seule, ce serait bien. Elle est où? Elle est où? Allez, dans un paquet de minutes, ce sera Johnny de A à Z pour avec Eric Gallo, le fantastique, le bien nommé, l'extraordinaire. Mais pour l'instant, on revient du côté des Beatles en 1967 sur l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Mais pas l'habituel Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band with a little help from my friends. Non, deux autres. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. Up the letter that's lying there. Standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure lorsque j'avais passé Ever Present Past, mais McCartney reste fidèle à lui-même, toujours aussi bon, que ce soit dans les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 et probablement 2020, il va nous en sortir encore. Voici Do It Now, extrait de son avant-dernier album, l'album Egypt Station. Got the time, the inclination, I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. I don't know where the wind is blowing. Got directions to where I'm going. Nothing certain. That's the only thing I know. S'arrête plus parce que là, franchement, on va être en retard après. Et c'est pas mon style. In a Heartbeat, dernier extrait de Time Takes Time, l'album de Ringo Starr. Anytime you want. côté le métronome et même le maître, Ringo Starr pour la batterie. De l'autre, dans les chœurs, Brian Wilson. Les Beach Boys, oui. Comment voulez-vous que cette chanson ne ressemble pas au meilleur des Beatles version 69 ou même à quelque chose qu'auraient pu faire les Beach Boys? Oui, oui, oui, mais tout à fait. Et c'est voulu. C'est comme ça. C'est en 1992 sur l'album Time Takes Time. On ne s'arrête plus. Maintenant, on n'arrête plus parce que dans 10 minutes, ce sera Eric. Voici Love to Leal sur le dernier album de McCartney. McCartney 3. Look out for love, Trillo. Look out for love, Trillo. You think that she's a winner when she's cooking you your dinner, but she really moving in for the kill. Love, Trillo. Watch out for love, Trillo. Watch out for love, Trillo. She says it's hunky-dory when she's telling you a story, but she really thinks you're making her ill. Lavatory Lil. If you saw it coming at you, you could look the other way, but it isn't easy when she's rolling in the hay. Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. The time, no one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over, starting over. Love, why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting alone. Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Well, darling, between the two lines, if we took the time, no one was to say, my no time flies so quickly. La radio des Beatles. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans accueillir comme il se doit Eric et son émission Johnny de A à Z. All you need is love, Eric. mais restez, restez, parce qu'il y a Eric maintenant dans quelques secondes pour Johnny de A à Z. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite d'abord une bonne fin de soirée avec Eric et puis une bonne semaine. À la prochaine. Salut.